Amis chasseurs, vous êtes prêts pour votre sport favori? Le magasin Ferlac de Dolbeau-Mistassini a tout ce qu'il faut pour une recette gagnante. La pierre de sel, 9,99 le 20 kg ou 8,99 à l'achat de 3. Le sel de chasse de marque ProParc, 7,99 le 20 kg ou 3 sacs pour 17,99. Le magasin Ferlac, 727 boulevard Vézina, 418-276-3918. Toute l'équipe du magasin Ferlac souhaite à tous les chasseurs la meilleure saison de chasse possible. Les Flames de Calgary font parler beaucoup d'eux au cours des derniers jours, puisque les Flames de Calgary et la Ligue nationale se sont retirés des négociations pour la construction d'un nouvel amphithéâtre là-bas à Calgary, qui va remplacer le Saddle Dome, supposément. Quoi qu'il en soit, ben on va parler avec notre correspondant qu'on a parlé dans le temps de Alexandre Gagnon, qui couvre également les Flames à Calgary, c'est Marc-Éric Bouchard. Salut Marc-Éric. Bonjour Danny. Bonjour tout le monde. Bon, Marc-Éric, d'abord la situation, à un moment, on se parle, on entend des choses, la ville apparemment, finalement, mentionné qu'est-ce qu'ils avaient offert aux Flames, ils avaient offert le tiers, en réalité, là, du financement. Ben, en fait, les chiffres, là, c'est pas évident de savoir vraiment, là, quelle est la véritable situation. On sait que, les propriétaires des Flames, qui sont aussi les propriétaires des Stampeders de Calgary, ouais, des Hitmen de Calgary et des Roughnecks dans la Ligue de la Crosse, réalisent que l'infrastructure d'accueil, soit pour le sport, soit pour les spectacles, il y a beaucoup d'artistes qui ne passent pas par Calgary, pas seulement par Edmonton ou ailleurs, parce que l'infrastructure du Saddle Dome est pas vraiment extrêmement efficace pour des concerts et pour des spectacles. Et là, évidemment, on veut se munir d'un superbe complexe. Ça s'appelait Calgary Next, évidemment, à l'époque. Okay. Ça, c'était pour créer un nouvel amphithéâtre pour le sport, c'est-à-dire pour le hockey, un nouveau stade de football et un endroit pour présenter des événements multi, soit sport ou encore culturel. Mmh. Et finalement, ça coûtait beaucoup trop cher. Finalement, ça, c'était un peu écarté. Là, cette semaine, la ville a présenté ses chiffres, comment qu'elle voit peut-être la construction d'un nouvel amphithéâtre à Calgary. Le président des Flames, Ken King, qui représente 5 personnes, les propriétaires de l'équipe, dit finalement, devant le public, nous, ça n'a pas changé. Ils ont regardé les chiffres de la ville. On parle évidemment là de beaucoup de millions de dollars. On parle de 555 millions. On parle aussi d'une taxe. On parle également de repayer évidemment les Flames, de repayer la ville pendant un certain temps et tout ça. Et en fait, ce qu'on peut se rappeler d'une phrase qui m'a marqué dans les commentaires de Ken King, il dit l'entente qu'on a là présentement, qu'on a reçu, pas l'entente, la proposition, c'est pire de ce qu'on a aujourd'hui comme entente. Aujourd'hui, ils ne payent pas de taxes. Aujourd'hui, évidemment, les Flames gèrent les profits du Saddle Dome. Et selon M. King, l'entente actuelle est pas mal mieux de ce que le maire a offert la semaine dernière. Okay. Et là, par la suite, les prochaines étapes, c'est simple. Ken King va refaire il va à nouveau parler de chiffres, il va montrer des chiffres à la ville, et c'est comme ça que la ville va réagir d'une façon ou d'une autre à tout ça, et on va recevoir possiblement un communiqué de presse de la part des Flames cette semaine sur un peu plus les chiffres et sur un peu la structure que Ken King veut, la structure qui semble pas être la même de ce qu'on a vu la semaine dernière avec, vous savez, le tiers parti, là, oui. 33%. Et c'est ça la situation pour l'instant. Mais on sait que dans un mois, ce sera quoi? Les élections municipales. Ben oui, c'est pour ça. Le maire actuel tente un troisième mandat, Naen Nenshi. Et là, il s'est montré extrêmement ouvert à la structure nouvelle d'un toit pour l'organisation des Flames de Calgary. Il dit que c'est important pour lui, c'est important pour la ville, mais il faut être transparent avec les payeurs de taxes et la population de Calgary. Et c'est là qu'on est rendu pour l'instant. Les prochaines étapes devraient être plus tard cette semaine sur d'autres chiffres qui devront être ouvert au public. Parce que, évidemment, on négociait tout l'été, mais finalement, Ken King a dit au propriétaire, il dit, moi, j'arrête les négociations parce que ça va nulle part. Et là, finalement, bon, il y a eu, il semble avoir un rapprochement de la ville à l'endroit de, des propriétaires des Flames. Et c'est là qu'on est rendu. Les politiciens fonctionnent beaucoup avec le vent. Hein. Si l'opinion publique, l'opinion publique, elle pense quoi de ça? Depuis que la nouvelle est sortie dans les lignes ouvertes, dans les forums, dans les médias sociaux, ça dit quoi? Est-ce qu'on est plus derrière les Flames? Est-ce qu'on est plus derrière le maire de Calgary? Qu'est-ce que ça dit? Ben, en fait, vous savez, l'économie a repris un petit peu, mais c'est encore très difficile en Alberta. La critique qui revient très souvent, c'est que, fournir de l'argent des contribuables à des millionnaires qui sont très riches pour pouvoir encore une fois rendre la vie encore plus facile dans un amphithéâtre encore plus performant à des millionnaires aussi. Fait que ça, on l'entend souvent, on l'a entendu en point de presse la semaine dernière également. Des journalistes posaient la question, et aussi, on semble avec le petit passage de quelques heures de Gary Bettman la semaine dernière à l'Alberta, que c'est encore des gens de New York qui semblent décider de l'avenir un peu à long terme de l'organisation canadienne des Flames de Calgary. C'est ça qu'on entend. Et évidemment, Nan Nenshi est extrêmement populaire. Okay. Les observateurs de la scène de la politique municipale croient que M. Nenshi est pas dans le trouble, est pas dans les câbles, devrait assez facilement, paraît-il que l'opposition est assez faible selon ce qu'on entend des spécialistes en politique municipale. Et c'est ça. Et là, eh bien, dans quelques semaines, on saura si M. King, le représentant des Flames, va devoir discuter, se rapprocher de Nan Nenshi ou d'un autre maire, mais aujourd'hui même, ça semble être pas mal près de la situation que M. Nenshi semble assez facilement être sur le point d'être maire de Calgary pour un troisième mandat. Mais Marc-Éric, tu as parlé de Gary Bettman. Lui, Gary Bettman est arrivé la semaine passée puis il a dit aux gens, si vous voulez que les Flames restent, votez contre le maire. C'est ça, hein? C'est ça qu'il a dit? C'est une façon de voir les choses. Ken King s'est un peu dissocié de ça, lui, le président des Flames, et il a dit moi je suis pas politicien, puis moi je fais pas de politique. Okay. Il a dit ça. Bettman a dit si vous voulez à long terme avoir une infrastructure digne de la Ligue de 2017 et non pas de 1980 ou 85, eh bien les Flames ont besoin d'une nouvelle infrastructure sportive pour le long terme, pour non seulement l'équipe, mais pour la ville et pour l'Alberta. Parce qu'il y a aussi le fait... Oui, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, Marc-Éric, il y a le fait... qu'on bluffe dans ce dossier-là? Parce qu'il faut voir aussi qu'il y a des moyens de négociation dans tout ce que tu racontes. Là. En fait, les Flames... Calgary a besoin d'une nouvelle infrastructure pour le hockey ou pour le domaine du divertissement. À moyen long terme, ça c'est garanti. Okay. Parce que ça correspond plus, évidemment, aux grandes villes nord-américaines. Le Saddledome est beau, oui, c'est un bel héritage des Jeux de Calgary de 1988, mais ça va prendre un nouvel amphithéâtre. Ouais. Et en plus, quand ton rival à 3 heures au nord a peut-être le plus bel amphithéâtre de la Ligue nationale de hockey avec les Oilers d'Edmonton et la place Rogers. Évidemment, Calgary dit, si Edmonton l'a eu, ben nous, pourquoi pas? On est dans la même province. Évidemment, Edmonton, la ville d'Edmonton a travaillé très fort et ça a pris 10 ans pour finalement conclure cet amphithéâtre. Je m'en rappelle même à l'époque de M. Corré à Montréal, et que ça avait pris du temps avant de convaincre tout le monde avec le centre Molson qui est devenu le centre Bell et tout ça. C'est au Canada, c'est pas comme aux États-Unis où ça pousse comme des champignons. Au Canada, là, on est frileux quand on demande évidemment l'appui des contribuables pour une nouvelle infrastructure pour des millionnaires. C'est pas toujours évident de gagner, évidemment, l'appui du public dans ce genre de dossier. Sauf qu'à Québec, au centre Vidéotron, c'est suivi un peu le marché de Québec aussi. On espérait, oui, on espérait tellement, à quelque part, pour que ça a quand même bien passé là, dans l'opinion publique. Là. Généralement, là, à Québec, on voulait et c'est un peu le même principe. Tu disais le Colisée à l'époque, Salodome est désuet, mais le Colisée était très désuet aussi. C'est un petit peu le même principe, là. Oui, mais c'est ça, mais c'est un peu le contraire à Québec. Parce qu'à Québec, ouais, on n'a pas d'équipe sportive nationale, mais on s'est dit peut-être que ça, c'est un argument pour pouvoir l'avoir à long terme. Tandis qu'à Calgary, c'est que si vous vous satisfaisez du Salodome, peut-être que l'équipe, on sait jamais qu'est-ce qui peut arriver dans le monde du sport professionnel. Et même Ken King l'a dit la semaine dernière dans son point de presse, il y a beaucoup de villes nord-américaines sont beaucoup plus riches que la nôtre, qui voudraient assez facilement avoir une équipe comme notre équipe ici, les Flames de Calgary, parce que les infrastructures aux États-Unis, ça se gère d'une autre façon, avec évidemment le privé et le reste. Hey, Marc-Éric, dernière question. À Edmonton, on sait que dans le temps de la belle rivalité canadienne-nordique, il y avait une pression sur l'un et sur l'autre pour performer. Calgary-Edmonton, ça a été longtemps, ça a été très, très longtemps, deux équipes qui au mieux faisait les séries. Mais là, par contre, les Oilers sont favoris pour plusieurs pour remporter la Coupe. Est-ce qu'il y a une pression supplémentaire sur l'organisation des Flames pour performer? Ah, c'est évident. Oui, hein? C'est évident. Vous apportez un bon point parce que, le printemps dernier, les Oilers ont gagné, une ronde en séries éliminatoires. C'est rendu par la suite contre les Ducks. Les Flames se sont rendus en série, mais ils ont perdu la première ronde. On dirait qu'ils veulent toujours se suivre. Évidemment, avec Connor McDavid, la grande vedette. Ici à Calgary, on essaie d'aller chercher des excellents joueurs. On a cherché des très bons défenseurs, là. Travis Amonic. On a Dougie Hamilton que tu allais chercher. On a Sean Monahan, qu'on espère qu'il aura une belle saison. Johnny Gaudreau également. Mathieu Tkachuk. On veut constamment montrer que Calgary est capable d'être en bonne rivalité avec les Oilers. Vous savez, ce qui est tellement intéressant. Donc, ça faisait 11 ans que les Oilers n'avaient pas accédé aux séries éliminatoires. Les Flames ont quand même participé plus souvent aux séries éliminatoires au cours des 10 dernières années. En 2004, les Flames réussissent à se rendre en finale de la Coupe Stanley, perdent en 6 matchs contre le Lightning de Tampa Bay en 2004. En 2005, il y a le conflit de travail, il n'y a pas de hockey. En 2006, par hasard, les Oilers, qui finalement, surprise, s'en vont en finale de la Coupe Stanley contre les Hurricanes de Caroline et perdent également 6 matchs en 2006. Et depuis ce temps-là, évidemment, les deux équipes font leur reconstruction pour tenter de revoir les belles années des Flames et des Oilers dans les années 1980. Ben c'est très, très aimable. Marc-Éric de Radio-Canada Calgary, un gros, gros merci. On se reparle prochainement. Merci beaucoup. À la prochaine. Au revoir. Voilà, donc Marc-Éric Bouchard de Radio-Canada à Calgary.